Marius. Livre troisième. Le grand-père et le petit-fils. Chapitre 1. Un ancien salon. Lorsque M. Gillenormand habitait la rue Servandoni, il hantait plusieurs salons très bons et très nobles. Quoique bourgeois, M. Gillenormand était reçu. Comme il avait deux fois de l'esprit, d'abord l'esprit qu'il avait, ensuite l'esprit qu'on lui prêtait, on le recherchait même et on le fêtait. Il n'allait nulle part qu'à la condition d'y dominer. Il est des gens qui veulent à tout prix l'influence et qu'on s'occupe d'eux. Là où ils ne peuvent être oracles, ils se font loustiques. M. Gillenormand n'était pas de cette nature. Sa domination dans les salons royalistes qu'il fréquentait ne coûtait rien à son respect de lui-même. Il était oracle partout. Il lui arrivait de tenir tête à M. de Bonald et même à M. Bangy-Puy-Vallée. Vers 1817, il passait invariablement deux après-midi par semaine dans une maison de son voisinage, rue Ferroux, chez Madame la Baronne de T, digne et respectable personne dont le mari avait été, sous Louis XVI, ambassadeur de France à Berlin. Le baron de T, qui de son vivant donnait passionnément dans les extases et les visions magnétiques, était mort, ruiné dans l'émigration, laissant, pour toute fortune, en 10 volumes manuscrits reliés en maroquin rouge et doré sur tranche, des mémoires fort curieux sur Mesmer et son baquet. Madame de T n'avait point publié les mémoires par dignité et se soutenait d'une petite rente qui avait surnagé on ne sait comment. Madame de T vivait loin de la cour. « Monde fort mêlé, disait-elle, dans un isolement noble, fier et pauvre. Quelques amis se réunissaient deux fois par semaine autour de son feu de veuve, et cela constituait un salon royaliste pur. On y prenait le thé et l'on y poussait, selon que le vent était à l'élégie ou au dithyrambe, des gémissements ou des cris d'horreur sur le siècle, sur la charte, sur les bonapartistes, sur la prostitution du cordon bleu à des bourgeois, sur le jacobinisme de Louis XVIII, et l'on s'y entretenait tout bas des espérances que donnait monsieur depuis Charles X. On y accueillait avec des transports de joie des chansons poissardes où Napoléon était appelé Nicolas. Des duchesses, les plus délicates et les plus charmantes femmes du monde, s'y extasiaient sur des couplets comme celui-ci, adressé aux fédérés. Renfoncez dans vos culottes le bout de chemise qui vous pend, qu'on ne dise pas que les patriotes ont arboré le drapeau blanc. On s'y amusait à des calembours qu'on croyait terribles, à des jeux de mots innocents qu'on supposait venimeux, à des quatrains, même à des distiques. Ainsi, sur le ministère des Sols, cabinet modéré dont faisaient partie messieurs Descases et Desserts, pour raffermir le trône et branler sur sa base, il faut changer de sol et de serre et de case. Ou bien on y façonnait la liste de la chambre des pairs, chambre abominablement jacobine, et l'on combinait sur cette liste des alliances de noms, de manière à faire, par exemple, des phrases comme celle-ci. Damas, Sabran, Gouvion Saint-Cyr. Le tout gaiement. Dans ce monde-là, on parodiait la Révolution. On avait je ne sais quelle velléité déguiser les mêmes colères en sens inverse. On chantait son petit « Ça ira ». Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les bonapartistes à la lanterne. Les chansons sont comme la guillotine. Elles coupent indifféremment. Aujourd'hui cette tête-ci, demain celle-là. Ce n'est qu'une variante. Dans l'affaire Fualdès, qui est de cette époque, 1816, on prenait parti pour Bastide et Josion, parce que Fualdès était bonapartiste. On qualifiait les libéraux « les frères et amis ». C'était le dernier degré de l'injure. Comme certains clochers d'église, le salon de Madame la Baronne de T avait deux coqs. L'un était M. Gillenormand, l'autre était le comte de Lamothe-Valois. duquel on se disait à l'oreille, avec une sorte de considération, « Vous savez, c'est le Lamotte de l'affaire du collier. » Les partis ont de ces amnisties singulières. Ajoutons ceci. Dans la bourgeoisie, les situations honorées s'amoindrissent par des relations trop faciles. Il faut prendre garde à qui l'on admet. De même qu'il y a perte de caloriques dans le voisinage de ceux qui ont froid, il y a diminution de considération dans l'approche des gens méprisés. L'ancien monde d'en haut se tenait au-dessus de cette loi-là, comme de toutes les autres. Marigny, frère de la Pompadour, à ses entrées chez monsieur le prince de Soubise. Quoique, non, parce que Du Barry, parrain de la Vaubernier, est le très bienvenu chez monsieur le maréchal de Richelieu. Ce monde-là, c'est l'Olympe. Mercure et le prince de Guéméné sont chez eux. Un voleur y est admis, pourvu qu'il soit Dieu. Le comte de la Motte, qui en 1815 était un vieillard de 75 ans, n'avait de remarquable que son air silencieux et sentencieux, sa figure anguleuse et froide, ses manières parfaitement polies, son habit boutonné jusqu'à la cravate, et ses grandes jambes toujours croisées dans un long pantalon flasque couleur de terre de sienne brûlée. Son visage était de la couleur de son pantalon. Ce monsieur de la Motte était compté dans ce salon à cause de sa célébrité, et chose étrange à dire, mais exacte, à cause du nom de Valois. Quant à monsieur Gillenormand, sa considération était absolument de bon aloi. Il faisait autorité parce qu'il faisait autorité. Il avait, tout léger qu'il était, et sans que cela coûtât rien à sa gaieté, une certaine façon d'être, imposante, digne, honnête et bourgeoisement altière. Et son grand âge s'y ajoutait. On n'est pas impunément un siècle. Les années finissent par faire autour d'une tête un échevellement vénérable. Il avait en outre de ces mots qui sont tout à fait l'étincelle de la vieille roche. Ainsi, quand le roi de Prusse, après avoir restauré Louis XVIII, vint lui faire visite sous le nom de comte de Rupin, il fut reçu par le descendant de Louis XIV un peu comme marquis de Brandebourg et avec l'impertinence la plus délicate. Monsieur Gillenormand approuva. Tous les rois qui ne sont pas le roi de France, dit-il, sont des rois de province. On fit un jour devant lui cette demande et cette réponse. À quoi donc a été condamné le rédacteur du Courrier français? À être suspendu. Sus et de trop, observa M. Gillenormand. Des paroles de ce genre fondent une situation. À un Te Deum anniversaire du retour des Bourbons, voyant passer M. Talleyrand, il dit « Voilà son excellence, le mal !» M. Gillenormand venait habituellement accompagné de sa fille. Cette longue mademoiselle qui avait alors passé 40 ans et en semblait 50. Et d'un beau petit garçon de 7 ans, blanc, rose, frais, avec des yeux heureux et confiants, lequel n'apparaissait jamais dans ce salon sans entendre toutes les voix bourdonner autour de lui. « Qu'il est joli! Quel dommage, pauvre enfant !» Cet enfant était celui dont nous avons dit un mot tout à l'heure. On l'appelait « pauvre enfant » parce qu'il avait pour père un brigand de la Loire. Ce brigand de la Loire était ce gendre de M. Gillenormand dont il a déjà été fait mention, et que M. Gillenormand qualifiait la honte de la famille. Chapitre 2. Un des spectres rouges de ce temps-là. Quelqu'un qui aurait passé à cette époque dans la petite ville de Vernon et qui s'y serait promené sur ce beau pont monumental, auquel succédera bientôt, espérons-le, quelque affreux pont en fil de fer, aurait pu remarquer, en laissant tomber ses yeux du haut du parapet, un homme d'une cinquantaine d'années, coiffé d'une casquette de cuir, vêtu d'un pantalon et d'une veste de gros drap gris, à laquelle était cousu quelque chose de jaune, qui avait été un ruban rouge. Chaussé de sabots, hâlé par le soleil, la face presque noire et les cheveux presque blancs, une large cicatrice sur le front se continuant sur la joue, courbé, voûté, vieilli avant l'âge, se promenant à peu près tout le jour, une bêche ou une serpe à la main, dans un de ces compartiments entourés de murs qui avoisinent le pont et qui bordent, comme une chaîne de terrasse, la rive gauche de la Seine, charmants enclos pleins de fleurs, desquels on dirait, s'ils étaient beaucoup plus grands, ce sont des jardins, et s'ils étaient un peu plus petits, ce sont des bouquets. Tous ces enclos aboutissent par un bout à la rivière et par l'autre à une maison. L'homme, en veste et en sabots dont nous venons de parler, habitait, vers 1817, le plus étroit de ses enclos et la plus humble de ses maisons. Il vivait là seul et solitaire, silencieusement et pauvrement, avec une femme ni jeune ni vieille, ni belle ni laide, ni paysanne ni bourgeoise, qui le servait. Le carré de terre qu'il appelait son jardin était célèbre dans la ville pour la beauté des fleurs qu'il y cultivait. Les fleurs étaient son occupation. À force de travail, de persévérance, d'attention et de seau d'eau, il avait réussi à créer après le créateur, et il avait inventé de certaines tulipes et de certains dahlias qui semblaient avoir été oubliés par la nature. Il était ingénieux. Il avait devancé Soulange Bodin dans la formation des petits massifs de terre de Bruyère pour la culture des rares et précieux arbustes d'Amérique et de Chine. Dès le point du jour, en été, il était dans ses allées, piquant, taillant, sarclant, arrosant, marchant au milieu de ses fleurs avec un air de bonté, de tristesse et de douceur, quelquefois rêveur et immobile des heures entières, écoutant le chant d'un oiseau dans un arbre, le gazouillement d'un enfant dans une maison, ou bien les yeux fixés au bout d'un brin d'herbe sur quelques gouttes de rosée dont le soleil faisait une escarboucle. Il avait une table fort maigre et buvait plus de lait que de vin. Un marmot le faisait céder, sa servante le grondait. Il était timide jusqu'à sembler farouche, sortait rarement et ne voyait personne que les pauvres qui frappaient à sa vitre, et son curé, l'abbé Mabeuf, bon vieux homme. Pourtant, si des habitants de la ville ou des étrangers, les premiers venus, curieux de voir ses tulipes et ses roses, venaient sonner à sa petite maison, il ouvrait sa porte en souriant. C'était le brigand de la Loire. Quelqu'un qui, dans le même temps, aurait lu les mémoires militaires, les biographies, le moniteur et les bulletins de la grande armée, aurait pu être frappé d'un nom qui y revient assez souvent, le nom de Georges Pontmercy. Tout jeune, ce Georges Pontmercy était soldat au régiment de Saint-Onge. La révolution éclata, le régiment de Saint-Onge fit partie de l'armée du Rhin. Car les anciens régiments de la monarchie gardèrent leur nom de province, même après la chute de la monarchie, et ne furent embrigadés qu'en 1794. Pontmercy se battit à Spire, à Worms, à Neustadt, à Turckheim, à Alzey, à Mayence, où il était des 200 qui formaient l'arrière-garde de Houchard. Il tint, lui, 12e, contre le corps entier du prince de Hesse, derrière le vieux rempart d'Andernach, et ne se replia sur le gros de l'armée que lorsque le canon ennemi eut ouvert la brèche, depuis le cordon du parapet jusqu'au talus de plongée. Il était sous Kléber à Marchienne et au combat du Mont Palissel, où il eut le bras cassé d'un biscaïen. Puis il passa à la frontière d'Italie, et il fut un des 30 grenadiers qui défendirent le col de Tende avec Joubert. Joubert en fut nommé adjudant général et Pontmercy sous-lieutenant. Pontmercy était à côté de Berthier, au milieu de la mitraille, dans cette journée de Lodi qui fit dire à Bonaparte « Berthier a été canonnier, cavalier et grenadier ». Il vit son ancien général Joubert tomber à Novi, au moment où le sabre levait, il criait « En avant !» Ayant été embarqué avec sa compagnie pour les besoins de la campagne dans une péniche qui allait de Gênes à je ne sais plus quel petit port de la côte, il tomba dans un guépier de 7 ou 8 voiles anglaises. Le commandant génois voulait jeter les canons à la mer, cacher les soldats dans l'entrepont et se glisser dans l'ombre comme navire marchand. Pontmercy fit frapper les couleurs tricolores à la drisse du mât de pavillon et passa fièrement sous le canon des frégates britanniques. À 20 lieues de là, son audace croissant, avec sa péniche, il attaqua et captura un gros transport anglais qui portait des troupes en Sicile, si chargé d'hommes et de chevaux que le bâtiment était bondé jusqu'au Hiloir. En 1805, il était de cette division Mahler qui enleva Gunzbourg à l'archiduc Ferdinand. À Wettingen, il reçut dans ses bras, sous une grêle de balles, le colonel Maupetit, blessé mortellement à la tête du 9e dragon. Il se distingua à Austerlitz dans cette admirable marche en échelon faite sous le feu de l'ennemi. Lorsque la cavalerie de la garde impériale russe écrasa un bataillon du 4e de ligne, Pontmercy fut de ceux qui prirent la revanche et qui culbutèrent cette garde. L'empereur lui donna la croix. Pontmercy vit successivement faire prisonnier Wurmser dans Mantoue, Mélas dans Alexandrie, Mack dans Ulm. Il fit partie du 8e corps de la grande armée que Mortier commandait et qui s'empara de Hambourg. Puis il passa dans le 55e de ligne, qui était l'ancien régiment de Flandre. À Eylau, il était dans le cimetière où l'héroïque capitaine Louis Hugo, oncle de l'auteur de ce livre, soutint seul avec sa compagnie de 83 hommes, pendant 2 heures, tout l'effort de l'armée ennemie. Pontmercy fut un des 3 qui sortirent de ce cimetière vivant. Il fut de Friedland, puis il vit Moscou, puis la Bérézina, puis Lutzen, Bautzen, Dresde, Washoe, Leipzig et les défilés de Gelenhausen. Puis Montmirail, Château-Thierry, Craon, les bords de la Marne, les bords de l'Aisne et la redoutable position de Laon. À Arnay-le-Duc, étant capitaine, il sabra 10 Cosaques et sauva non son général, mais son caporal. Il fut haché à cette occasion et on lui tira 27 esquilles rien que du bras gauche. 8 jours avant la capitulation de Paris, il venait de permuter avec un camarade et d'entrer dans la cavalerie. Il avait ce qu'on appelait dans l'ancien régime la double main, c'est-à-dire une aptitude égale à manier soldat, le sabre ou le fusil, officier, un escadron ou un bataillon. C'est de cette aptitude, perfectionnée par l'éducation militaire, que sont nées certaines armes spéciales, les dragons, par exemple, qui sont tout ensemble cavaliers et fantassins. Il accompagna Napoléon à l'île d'Elbe. À Waterloo, il était chef d'escadron de cuirassiers dans la brigade Dubois. Ce fut lui qui prit le drapeau du bataillon de Lunebourg. Il vint jeter le drapeau aux pieds de l'empereur. Il était couvert de sang. Il avait reçu, en arrachant le drapeau, un coup de sabre à travers le visage. L'empereur, content, lui cria « Tu es colonel, tu es baron, tu es officier de la Légion d'honneur !» Pontmercy répondit « Sire, je vous remercie pour ma veuve. » Une heure après, il tombait dans le ravin d'Ohain. Maintenant, qu'était-ce que ce Georges Pontmercy? C'était ce même brigand de la Loire. On a déjà vu quelque chose de son histoire. Après Waterloo, Pontmercy, tiré, on s'en souvient, du chemin creux d'Ohain, avait réussi à regagner l'armée et s'était traîné d'ambulance en ambulance jusqu'au cantonnement de la Loire. La Restauration l'avait mise à la demi-solde, puis l'avait envoyé en résidence, c'est-à-dire en surveillance, à Vernon. Le roi Louis XVIII, considérant comme non avenu tout ce qui s'était fait dans les 100 jours, ne lui avait reconnu ni sa qualité d'officier de la Légion d'honneur, ni son grade de colonel, ni son titre de baron. Lui, de son côté, ne négligeait aucune occasion de signer le colonel baron Pontmercy. Il n'avait qu'un vieil habit bleu, et il ne sortait jamais sans y attacher la rosette d'officier de la Légion d'honneur. Le procureur du roi le fit prévenir que le parquet le poursuivait pour port illégal de cette décoration. Quand cet avis lui fut donné par un intermédiaire officieux, Pontmercy répondit avec un amer sourire « Je ne sais point si c'est moi qui n'entends plus le français ou si c'est vous qui ne le parlez plus, mais le fait est que je ne comprends pas. » Puis il sortit 8 jours de suite avec sa rosette. On n'osa point l'inquiéter. 2 ou 3 fois, le ministre de la guerre et le général commandant le département lui écrivirent avec cette suscription « À monsieur le commandant Pontmercy ». Il renvoya les lettres, non décachetées. En ce même moment, Napoléon à Sainte-Hélène traitait de la même façon les missives de Sir Hudson Lowe adressées au général Bonaparte. Pontmercy avait fini, qu'on vous passe le mot, pour avoir dans la bouche la même salive que son empereur. Il y avait ainsi à Rome des soldats carthaginois prisonniers qui refusaient de saluer Flaminius et qui avaient un peu de l'âme d'Hannibal. Un matin, il rencontra le procureur du roi dans une rue de Vernon, alla à lui et lui dit « Monsieur le procureur du roi, m'est-il permis de porter ma balafre ?» Il n'avait rien que sa très chétive demi-solde de chef d'escadron. Il avait loué à Vernon la plus petite maison qu'il avait pu trouver. Il y vivait seul, on vient de voir comment. Sous l'Empire, entre deux guerres, il avait trouvé le temps d'épouser Mademoiselle Gillenormand. Le vieux bourgeois, indigné au fond, avait consenti en soupirant et en disant « Les plus grandes familles y sont forcées ». En 1815, Madame Pontmercy, femme du reste de tout point admirable, élevée et rare et digne de son mari, était morte, laissant un enfant. Cet enfant eût été la joie du colonel dans sa solitude. Mais l'aïeul avait impérieusement réclamé son petit-fils, déclarant que si on ne le lui donnait pas, il le déshériterait. Le père avait cédé dans l'intérêt du petit, et ne pouvant avoir son enfant, il s'était mis à aimer les fleurs. Il avait du reste renoncé à tout, ne remuant ni ne conspirant. Il partageait sa pensée entre les choses innocentes qu'il faisait et les choses grandes qu'il avait faites. Il passait son temps à espérer un œillet ou à se souvenir d'Austerlitz. Monsieur Gillenormand n'avait aucune relation avec son gendre. Le colonel était pour lui un bandit. Et il était pour le colonel une ganache. Monsieur Gillenormand ne parlait jamais du colonel, si ce n'est quelquefois pour faire des allusions moqueuses à sa baronnie. Il était expressément convenu que Pontmercy n'essaierait jamais de voir son fils ni de lui parler, sous peine qu'on le lui rendît chassé et déshérité. Pour les Gillenormand, Pontmercy était un pestiféré. Ils entendaient élever l'enfant à leur guise. Le colonel eut tort peut-être d'accepter ces conditions, mais il les subit, croyant bien faire et ne sacrifier que lui. L'héritage du père Gillenormand était peu de chose, mais l'héritage de Mademoiselle Gillenormand aînée était considérable. Cette tante, restée fille, était fort riche du côté maternel, et le fils de sa sœur était son héritier naturel. L'enfant, qui s'appelait Marius, savait qu'il avait un père, mais rien de plus. Personne ne lui en ouvrait la bouche. Cependant, dans le monde où son grand-père le menait, les chuchotements, les demi-mots, les clins d'yeux s'étaient fait jour à la longue jusque dans l'esprit du petit. Il avait fini par comprendre quelque chose. Et comme il prenait naturellement, par une sorte d'infiltration et de pénétration lente, les idées et les opinions qui étaient, pour ainsi dire, son milieu respirable, il en vint peu à peu à ne songer à son père qu'avec honte et le cœur serré. Pendant qu'ils grandissaient ainsi, tous les 2 ou 3 mois, le colonel s'échappait, venait furtivement à Paris comme un repris de justice qui rompt son banc, et allait se poster à Saint-Sulpice, à l'heure où la tante Gillenormand menait Marius à la messe. Là, tremblant que la tante ne se retournât, caché derrière un pilier, immobile, n'osant respirer, il regardait son enfant. Ce balafré avait peur de cette vieille fille. De là même était venue sa liaison avec le curé de Vernon, monsieur l'abbé Mabeuf. Ce digne prêtre était frère d'un marguillier de Saint-Sulpice, lequel avait plusieurs fois remarqué cet homme contemplant cet enfant, et la cicatrice qu'il avait sur la joue, et la grosse larme qu'il avait dans les yeux. Cet homme, qui avait si bien l'air d'un homme et qui pleurait comme une femme, avait frappé le marguillier. Cette figure lui était restée dans l'esprit. Un jour, étant allé à Vernon voir son frère, il rencontra sur le pont le colonel Pontmercy et reconnut l'homme de Saint-Sulpice. Le marguillier en parla au curé et tous deux, sous un prétexte quelconque, firent une visite au colonel. Cette visite en amena d'autres. Le colonel, d'abord très fermé, finit par s'ouvrir, et le curé et le marguillier arrivèrent à savoir toute l'histoire. Et comment Pontmercy sacrifiait son bonheur à l'avenir de son enfant. Cela fit que le curé le prit en vénération et en tendresse, et le colonel, de son côté, prit en affection le curé. D'ailleurs, quand d'aventure ils sont sincères et bons tous les deux, rien ne se pénètre et ne s'amalgame plus aisément qu'un vieux prêtre et un vieux soldat. Au fond, c'est le même homme. L'un s'est dévoué pour la patrie d'en bas, l'autre pour la patrie d'en haut. Pas d'autre différence. 2 fois par an, au 1er janvier et à la Saint-Georges, Marius écrivait à son père des lettres de devoir que sa tante dictait et qu'on eût dit copiées dans quelque formulaire. C'était tout ce que tolérait M. Gillenormand. Et le père répondait des lettres fort tendres que l'aïeul fourrait dans sa poche sans les lire. Chapitre 3. Requiescant. Le salon de Madame de T était tout ce que Marius Pontmercy connaissait du monde. C'était la seule ouverture par laquelle il put regarder dans la vie. Cette ouverture était sombre, et il lui venait par cette lucarne plus de froid que de chaleur, plus de nuit que de jour. Cet enfant, qui n'était que joie et lumière en entrant dans ce monde étrange, il devint en peu de temps triste, et, ce qui est plus contraire encore à cet âge, grave. Entouré de toutes ces personnes imposantes et singulières, il regardait autour de lui avec un étonnement sérieux. Tout se réunissait pour accroître en lui cette stupeur. Il y avait dans le salon de Madame de T de vieilles nobles dames très vénérables qui s'appelaient Matan, Noé, Lévis, qu'on prononçait Lévi, Cambis, qu'on prononçait Cambise. Ces antiques visages et ces noms bibliques se mêlaient dans l'esprit de l'enfant à son Ancien Testament qu'il apprenait par cœur. Et quand elles étaient là, toutes, assises en cercle autour d'un feu mourant, à peine éclairées par une lampe voilée de verre, avec leurs profils sévères, leurs cheveux gris ou blancs, leurs longues robes d'un autre âge, dont on ne distinguait que les couleurs lugubres, laissant tomber à de rares intervalles des paroles à la fois majestueuses et farouches, le petit Marius les considérait avec des yeux effarés, croyant voir, non des femmes, mais des patriarches et des mages, non des êtres réels, mais des fantômes. À ces fantômes se mêlaient plusieurs prêtres, habitués de ce salon vieux, et quelques gentilshommes, le marquis de Sassenay, secrétaire des commandements de Madame de Berry, le vicomte de Valory, qui publiait sous le pseudonyme de Charles-Antoine des odes monorimes, le prince de Beaufremont, qui, assez jeune, avait un chef grisonnant et une jolie et spirituelle femme dont les toilettes de velours écarlate à torsade d'or, fort décolletée, effarouchaient ses ténèbres. Le marquis de Coriolis d'Espinouse, l'homme de France qui savait le mieux la politesse proportionnée. Le comte d'Amambre, bonhomme au menton bienveillant. Et le chevalier de Port-de-Guy, pilier de la bibliothèque du Louvre, dite le cabinet du roi. Monsieur de Port-de-Guy, chauve et plutôt vieilli que vieux, comptait qu'en 1793, âgé de 16 ans, on l'avait mis au bagne comme réfractaire et ferré avec un octogénaire, l'évêque de Mirepoix, réfractaire aussi, mais comme prêtre, tandis que lui, il était comme soldat. C'était à Toulon. Leur fonction était d'aller la nuit ramasser sur l'échafaud les têtes et les corps des guillotinés du jour. Ils emportaient sur leur dos ces troncs ruisselants, et leurs capes rouges de galériens avaient derrière leur nuque une croûte de sang, sèche le matin, humide le soir. Ces récits tragiques abondaient dans le salon de Madame de T. Et à force d'y maudire Marat, on y applaudissait Trestaillon. Quelques députés du genre introuvable y faisaient leur whist. M. Thibord du Chalard, M. le marchand de Gomicourt et le célèbre railleur de la droite, M. Cornet d'Incourt. Le bailli de Ferrette, avec ses culottes courtes et ses jambes maigres, traversait quelquefois ce salon en allant chez M. de Talleyrand. Il avait été le camarade de plaisir de M. le comte d'Artois, et à l'inverse d'Aristote, accroupi sous Campaspe, il avait fait marcher le Guimard à quatre pattes, et de la sorte montré au siècle un philosophe vengé par un bailli. Quant au prêtre, c'était l'abbé Alma, le même à qui M. Larose, son collaborateur à la foudre, disait « Bah, qu'est-ce qui n'a pas 50 ans? Quelques blancs-becs peut-être. » L'abbé Le Tourneur, prédicateur du roi, l'abbé Frayssinous, qui n'était encore ni comte, ni évêque, ni ministre, ni père, et qui portait une vieille soutane où il manquait des boutons, et l'abbé Kéravenant, curé de Saint-Germain-des-Prés, plus le nonce du pape, alors Monseigneur Macky, archevêque de Nisibis, plus tard cardinal, remarquable par son long nez pensif, et un autre Monseigneur ainsi appelé Abbate Palmieri, prélat domestique, un des 7 protonotaires participant du Saint-Siège, chanoine de l'insigne basilique libérienne, avocat des saints, postulatore di santi, ce qui se rapporte aux affaires de canonisation et signifie à peu près maître des requêtes de la section du paradis. Enfin, 2 cardinaux, M. de la Luzerne et M. de Clermont-Tonnerre. M. le cardinal de la Luzerne était un écrivain et devait avoir, quelques années plus tard, l'honneur de signer dans le Conservateur des articles côte à côte avec Chateaubriand. M. de Clermont-Tonnerre était archevêque de Toulouse et venait souvent en villégiature à Paris chez son neveu, le marquis de Tonnerre, qui a été ministre de la Marine et de la Guerre. Le cardinal de Clermont-Tonnerre était un petit vieillard gai, montrant ses bas rouges sous sa soutane troussée. Il avait pour spécialité de haïr l'encyclopédie et de jouer éperdument au billard. Et les gens qui, à cette époque, passaient dans les soirs d'été rue Madame, où était alors l'hôtel de Clermont-Tonnerre, s'arrêtait pour entendre le choc des billes et la voix aiguë du cardinal criant à son conclaviste, Monseigneur Cotteret, évêque in partibus de Cariste, « Marque, l'abbé, je carambole !» le cardinal de Clermont-Tonnerre avait été amené chez madame de T par son ami le plus intime, monsieur de Roquelaure, ancien évêque de Senlis et l'un des 40. Monsieur de Roquelaure était considérable par sa haute taille et par son assiduité à l'académie. À travers la porte vitrée de la salle voisine de la bibliothèque, où l'Académie française tenait alors ses séances, les curieux pouvaient, tous les jeudis, contempler l'ancien évêque de Senlis, habituellement debout, poudré à frais, en bas violet, et tournant le dos à la porte, apparemment pour mieux faire voir son petit collet. Tous ces ecclésiastiques, quoique la plupart hommes de cour autant qu'hommes d'église, s'ajoutaient à la gravité du salon de thé, dont Saint-Père de France, le marquis de Vibraille, le marquis de Talaru, le marquis d'Herbouville, le vicomte d'Ambray et le duc de Valentinois, accentuaient l'aspect seigneurial. Ce duc de Valentinois, quoique prince de Monaco, c'est-à-dire prince souverain étranger, avait une si haute idée de la France et de la Pairie qu'il voyait tout à travers elle. C'était lui qui disait « Les cardinaux sont les pairs de France de Rome, les lords sont les pairs de France d'Angleterre. » Au reste, car il faut en ce siècle que la Révolution soit partout, ce salon féodal était, comme nous l'avons dit, dominé par un bourgeois. Monsieur Gillenormand y régnait. C'était là l'essence et la quintessence de la société parisienne blanche. On y tenait en quarantaine les renommées, même royalistes. Il y a toujours de l'anarchie dans la renommée. Chateaubriand, entrant là, y eût fait l'effet du père Duchesne. Quelques ralliés pourtant pénétraient, par tolérance, dans ce monde orthodoxe. Le comte Beugnot y était reçu à correction. Les salons nobles d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ces salons-là. Le faubourg Saint-Germain d'à présent sent le fagot. Les royalistes de maintenant sont des démagogues, disons-le à leur louange. Chez madame de T, le monde étant supérieur, le goût était exquis et hautain, sous une grande fleur de politesse. Les habitudes y comportaient toutes sortes de raffinements involontaires, qui étaient l'ancien régime même, enterré mais vivant. Quelques-unes de ces habitudes, dans le langage surtout, semblaient bizarres. Des connaisseurs superficiels eussent pris pour province ce qui n'était que vétusté. On appelait une femme « Madame la Générale ». Madame la Colonelle n'était pas absolument inusitée. La charmante madame de Léon, en souvenir sans doute des duchesses de Longueville et de Chevreuse, préférait cette appellation à son titre de princesse. La marquise de Créqui, elle aussi, s'était appelée madame la colonelle. Ce fut ce petit haut monde qui inventa aux Tuileries le raffinement de dire, toujours en parlant au roi, dans l'intimité, le roi à la troisième personne, et jamais « Votre Majesté », la qualification « Votre Majesté » ayant été souillée par l'usurpateur. On jugeait là les faits et les hommes. On raillait le siècle, ce qui dispensait de le comprendre. On s'entraidait dans l'étonnement. On se communiquait la quantité de clarté qu'on avait. Mathusalem renseignait Épiménide. Le sourd mettait l'aveugle au courant. On déclarait non avenu le temps écoulé depuis Coblenz, de même que Louis XVIII était, par la grâce de Dieu, à la 25e année de son règne, les émigrés étaient, de droit, à la 25e année de leur adolescence. Tout était harmonieux, rien ne vivait trop, la parole était à peine un souffle. Le journal, d'accord avec le salon, semblait un papyrus. Il y avait des jeunes gens, mais ils étaient un peu morts. Dans l'antichambre, les livrées étaient vieillottes. Ces personnages, complètement passés, étaient servis par des domestiques du même genre. Tout cela avait l'air d'avoir vécu il y a longtemps et de s'obstiner contre le sépulcre. conserver, conservation, conservateur, c'était là à peu près tout le dictionnaire. Être en bonne odeur était la question. Il y avait en effet des aromates dans les opinions de ces groupes vénérables, et leurs idées sentaient le vétiver. C'était un monde momie. Les maîtres étaient embaumés, les valets étaient empaillés. Une digne vieille marquise, émigrée et ruinée, n'ayant plus qu'une bonne, continuait de dire « Mes gens ». Que faisait-on dans le salon de Madame de T ? On était ultra. Être ultra, ce mot, quoique ce qu'il représente n'ait peut-être pas disparu, ce mot n'a plus de sens aujourd'hui. Expliquons-le. Être ultra, c'est aller au-delà. C'est attaquer le sceptre au nom du trône et la mitre au nom de l'autel. C'est malmener la chose qu'on traîne. C'est ruer dans l'attelage. C'est chicaner le bûcher sur le degré de cuisson des hérétiques. C'est reprocher à l'idole son peu d'idolâtrie. C'est insulter par excès de respect. C'est trouver dans le pape pas assez de papisme. Dans le roi, pas assez de royauté. Et trop de lumière à la nuit. C'est être mécontent de l'albâtre, de la neige, du cygne et du lys, au nom de la blancheur. C'est être partisan des choses au point d'en devenir l'ennemi. C'est être si fort pour qu'on est contre. L'esprit ultra caractérise spécialement la première phase de la Restauration. Rien dans l'histoire n'a ressemblé à ce quart d'heure, qui commence à 1814 et qui se termine vers 1820, à l'avènement de M. de Villèle, l'homme pratique de la droite. Ces 6 années furent un moment extraordinaire, à la fois bruyant et morne, riant et sombre, éclairé comme par le rayonnement de l'aube, et tout couvert en même temps des ténèbres des grandes catastrophes qui emplissaient encore l'horizon et s'enfonçaient lentement dans le passé. Il y eut là, dans cette lumière et dans cette ombre, tout un petit monde nouveau et vieux, bouffon et triste, juvénile et sénile, se frottant les yeux. Rien ne ressemble au réveil comme le retour. Groupe qui regardait la France avec humeur et que la France regardait avec ironie. De bons vieux hiboux marquis, plein les rues, les revenus et les revenants, des ci-devant stupéfaits de tout, de braves et nobles gentilshommes souriant d'être en France et en pleurant aussi, ravis de revoir leur patrie, désespérés de ne plus retrouver leur monarchie. La noblesse des croisades conspuant la noblesse de l'Empire, c'est-à-dire la noblesse de l'épée. Les races historiques ayant perdu le sens de l'histoire. Les fils des compagnons de Charlemagne dédaignant les compagnons de Napoléon. Les épées, comme nous venons de le dire, se renvoyaient l'insulte. L'épée de Fontenoy était risible et n'était qu'une rouillarde. L'épée de Marengo était odieuse et n'était qu'un sabre. Jadis méconnaissait hier. On n'avait plus le sentiment de ce qui était grand, ni le sentiment de ce qui était ridicule. Il y eut quelqu'un qui appela Bonaparte Scapin. Ce monde n'est plus. Rien, répétons-le, n'en reste aujourd'hui. Quand nous en tirons par hasard quelques figures et que nous essayons de le faire revivre par la pensée, il nous semble étrange comme un monde antédiluvien. C'est qu'en effet, il a été lui aussi englouti par un déluge. Il a disparu sous 2 révolutions. Quel flot que les idées! Comme elles couvrent vite tout ce qu'elles ont mission de détruire et d'ensevelir, et comme elles font proprement d'effrayantes profondeurs. Telle était la physionomie des salons de ces temps lointains et candides où M. Martainville avait plus d'esprit que Voltaire. Ces salons avaient une littérature et une politique à eux. On y croyait en Fiévé. M. Agier y faisait loi. On y commentait M. Colnet, le publiciste bouquiniste du Quai Malaquais. Napoléon y était pleinement ogre de Corse. Plus tard, l'introduction dans l'histoire de M. le marquis de Buonaparte, lieutenant général des armées du roi, fut une concession à l'esprit du siècle. Ces salons ne furent pas longtemps purs. Dès 1818, quelques doctrinaires commencèrent à y poindre, nuance inquiétante. La manière de cela était d'être royaliste et de s'en excuser. Là où les ultras étaient très fiers, les doctrinaires étaient un peu honteux. Ils avaient de l'esprit, ils avaient du silence. Leurs dogmes politiques étaient convenablement empesés de morgue. Ils devaient réussir. Ils faisaient, utilement d'ailleurs, des excès de cravates blanches et d'habits boutonnés. Le tort ou le malheur du parti doctrinaire a été de créer la jeunesse vieille. Ils prenaient des poses de sages. Ils rêvaient de greffer sur le principe absolu et excessif un pouvoir tempéré. Ils opposaient, et parfois avec une rare intelligence, au libéralisme démolisseur un libéralisme conservateur. On les entendait dire « Grâce pour le royalisme, il a rendu plus d'un service, il a rapporté la tradition, le culte, la religion, le respect. Il est fidèle, brave, chevaleresque, aimant, dévoué. Il vient mêler, quoiqu'à regret, aux grandeurs nouvelles de la nation, les grandeurs séculaires de la monarchie. Il a le tort de ne pas comprendre la Révolution, l'Empire, la gloire, la liberté, les jeunes idées, les jeunes générations, le siècle. Mais ce tort qu'il a envers nous, ne l'avons-nous pas quelquefois envers lui? La Révolution dont nous sommes les héritiers doit avoir l'intelligence de tout. Attaquer le royalisme, c'est le contresens du libéralisme. Quelle faute et quel aveuglement! La France révolutionnaire manque de respect à la France historique, c'est-à-dire à sa mère, c'est-à-dire à elle-même. Après le 5 septembre, on traite la noblesse de la monarchie comme après le 8 juillet on traitait la noblesse de l'Empire. Ils ont été injustes pour l'aigle. Nous sommes injustes pour la fleur de lys. On veut donc toujours avoir quelque chose à proscrire, dédorer la couronne de Louis XIV, gratter l'écusson d'Henri IV, cela est-il bien utile? Nous raillons M. de Vaublanc qui effaçait les N du pont d'Iéna. Que faisait-il donc? Ce que nous faisons. Bouvines nous appartient comme Marengo. Les fleurs de lys sont à nous comme les N. C'est notre patrimoine. À quoi bon l'amoindrir? Il ne faut pas plus renier la patrie dans le passé que dans le présent. Pourquoi ne pas vouloir toute l'histoire? Pourquoi ne pas aimer toute la France? C'est ainsi que les doctrinaires critiquaient et protégeaient le royalisme, mécontents d'être critiqués et furieux d'être protégés. Les ultras marquèrent la première époque du royalisme. La congrégation caractérisa la seconde. À la fougue succéda à l'habileté. Bornons ici cette esquisse. Dans le cours de ce récit, l'auteur de ce livre a trouvé sur son chemin ce moment curieux de l'histoire contemporaine. Il a dû y jeter en passant un coup d'œil et retracer quelques-uns des linéaments singuliers de cette société aujourd'hui inconnue. Mais il le fait rapidement et sans aucune idée amère ou dérisoire. Des souvenirs affectueux et respectueux, car il touche à sa mère, l'attachent à ce passé. D'ailleurs, disons-le, ce même petit monde avait sa grandeur. On en peut sourire, mais on ne peut ni le mépriser, ni le haïr. C'était la France d'autrefois. Marius Pontmercy fit, comme tous les enfants, des études quelconques. Quand il sortit des mains de la tante Gillenormand, son grand-père le confia à un digne professeur de la plus pure innocence classique. Cette jeune âme qui s'ouvrait passa d'une prude à un cuistre. Marius eut ses années de collège, puis il entra à l'école de droit. Il était royaliste, fanatique et austère. Il aimait peu son grand-père, dont la gaieté et le cynisme le froissaient. Et il était sombre à l'endroit de son père. C'était du reste un garçon ardent et froid, noble, généreux, fier, religieux, exalté, digne jusqu'à la dureté, pur jusqu'à la sauvagerie. Chapitre 4. Fin du brigand. L'achèvement des études classiques de Marius coïncida avec la sortie du monde de M. Gillenormand. Le vieillard dit adieu au faubourg Saint-Germain et au salon de Madame de T, et vint s'établir au Marais, dans sa maison de la rue des Filles du Calvaire. Il avait là pour domestique, outre le portier, cette femme de chambre Nicolette qui avait succédé à la Magnon, et ce basque essoufflé et poussif dont il a été parlé plus haut. En 1827, Marius venait d'atteindre ses 17 ans. Comme il rentrait un soir, il vit son grand-père qui tenait une lettre à la main. « Marius, dit M. Gillenormand, tu partiras demain pour Vernon. »« Pourquoi ? Dit Marius. « Pour voir ton père. » Marius eut un tremblement. Il avait songé à tout, excepté à ceci, qu'il pourrait un jour se faire qu'il eût à voir son père. Rien ne pouvait être pour lui plus inattendu, plus surprenant, et, disons-le, plus désagréable. C'était l'éloignement contraint au rapprochement. Ce n'était pas un chagrin, non, c'était une corvée. Marius, outre ses motifs d'antipathie politique, était convaincu que son père, le sabreur, comme l'appelait M. Gillenormand dans ses jours de douceur, ne l'aimait pas. Cela était évident, puisqu'il l'avait abandonné ainsi et laissé à d'autres. Ne se sentant point aimé, il n'aimait point. Rien de plus simple, se disait-il. Il fut si stupéfait qu'il ne questionna pas M. Gillenormand. Le grand-père reprit « Il paraît qu'il est malade, il te demande. » Et après un silence, il ajouta « Pars demain matin. Je crois qu'il y a cour des Fontaines, une voiture qui part à 6 heures et qui arrive le soir. Prends-la. Il dit que c'est pressé. » Puis il froissa la lettre et la mit dans sa poche. Marius aurait pu partir le soir même et être près de son père le lendemain matin. Une diligence de la rue du Boulois faisait à cette époque le voyage de Rouen la nuit et passait par Vernon. Ni M. Gillenormand ni Marius ne songèrent à s'informer. Le lendemain, à la brune, Marius arrivait à Vernon. Les chandelles commençaient à s'allumer. Il demanda au premier passant venu la maison de M. Pontmercy, car dans sa pensée, il était de l'avis de la Restauration, et lui non plus ne reconnaissait son père ni baron ni colonel. On lui indiqua le logis. Il sonna. Une femme vint lui ouvrir, une petite lampe à la main. « Monsieur Pontmercy, dit Marius. La femme resta immobile. « Est-ce ici ? Demanda Marius. La femme fit de la tête un signe affirmatif. « Pourrais-je lui parler ? La femme fit un signe négatif. « Mais je suis son fils, reprit Marius. Il m'attend. « Il ne vous attend plus, dit la femme. Alors il s'aperçut qu'elle pleurait. Elle lui désigna du doigt la porte d'une salle basse. Il entra. Dans cette salle, qu'éclairait une chandelle de suif posée sur la cheminée, il y avait 3 hommes. Un qui était debout, un qui était à genoux, et un qui était à terre et en chemise, couché tout de son long sur le carreau. Celui qui était à terre était le colonel. Les 2 autres étaient un médecin et un prêtre qui priaient. Le colonel était depuis 3 jours atteint d'une fièvre cérébrale. Au début de la maladie, ayant un mauvais pressentiment, il avait écrit à M. Gillenormand pour demander son fils. La maladie avait empiré. Le soir même de l'arrivée de Marius à Vernon, le colonel avait eu un accès de délire. Il s'était levé de son lit, malgré la servante, en criant « Mon fils n'arrive pas, je vais au-devant de lui !» Puis il était sorti de sa chambre et était tombé sur le carreau de l'antichambre. Il venait d'expirer. On avait appelé le médecin et le curé. Le médecin était arrivé trop tard. Le curé était arrivé trop tard. Le fils aussi était arrivé trop tard. À la clarté crépusculaire de la chandelle, on distinguait sur la joue du colonel, gisant et pâle, une grosse larme qui avait coulé de son œil mort. L'œil était éteint, mais la larme n'était pas séchée. Cette larme, c'était le retard de son fils. Marius considéra cet homme qu'il voyait pour la première fois et pour la dernière, ce visage vénérable et mâle, ses yeux ouverts qui ne regardaient pas, ses cheveux blancs, ses membres robustes sur lesquels on distinguait çà et là des lignes brunes qui étaient des coups de sabre et des espèces d'étoiles rouges qui étaient des trous de balles. Il considéra cette gigantesque balafre qui imprimait l'héroïsme sur cette face où Dieu avait empreint la bonté. Il songea que cet homme était son père et que cet homme était mort. Et il resta froid. La tristesse qu'il éprouvait fut la tristesse qu'il aurait ressentie devant tout autre homme qu'il aurait vu étendu mort. Le deuil, un deuil poignant, était dans cette chambre. La servante se lamentait dans un coin, le curé priait, et on l'entendait sangloter, le médecin s'essuyait les yeux. Le cadavre lui-même pleurait. Ce médecin, ce prêtre et cette femme regardaient Marius à travers leur affliction sans dire une parole. C'était lui qui était l'étranger. Marius, trop peu ému, se sentait honteux et embarrassé de son attitude. Il avait son chapeau à la main, il le laissa tomber à terre, afin de faire croire que la douleur lui ôtait la force de le tenir. En même temps, il éprouvait comme un remords et il se méprisait d'agir ainsi. Mais était-ce sa faute? Il n'aimait pas son père, quoi. Le colonel ne laissait rien. La vente du mobilier paya à peine l'enterrement. La servante trouva un chiffon de papier qu'elle remit à Marius. Il y avait ceci, écrit de la main du colonel. « Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo. Puisque la Restauration me conteste ce titre que j'ai payé de mon sang, mon fils le prendra et le portera. Il va sans dire qu'il en sera digne. » Derrière, le colonel avait ajouté « À cette même bataille de Waterloo, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Dans ces derniers temps, je crois qu'il tenait une petite auberge dans un village des environs de Paris, à Chelles ou à Montfermeil. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. » Non par religion pour son père, mais à cause de ce respect vague de la mort qui est toujours si impérieux au cœur de l'homme, Marius prit ce papier et le serra. Rien ne resta du colonel. Monsieur Gillenormand fit vendre au fripier son épée et son uniforme. Les voisins dévalisèrent le jardin et pillèrent les fleurs rares. Les autres plantes devinrent ronces et broussailles, ou moururent. Marius n'était demeuré que 48 heures à Vernon. Après l'enterrement, il était revenu à Paris et s'était remis à son droit, sans plus songer à son père que s'il n'eût jamais vécu. En 2 jours, le colonel avait été enterré et en 3 jours, oublié. Marius avait un crêpe à son chapeau. Voilà tout. Chapitre 5. Utilité d'aller à la messe pour devenir révolutionnaire. Marius avait gardé les habitudes religieuses de son enfance. Un dimanche qu'il était allé entendre la messe à Saint-Sulpice, à cette même chapelle de la Vierge où sa tante le menait quand il était petit, étant ce jour-là distrait et rêveur plus qu'à l'ordinaire, il s'était placé derrière un pilier et agenouillé, sans y faire attention, sur une chaise en velours d'Utrecht, était écrit ce nom, « Monsieur Mabeuf, Marguillet. La messe commençait à peine qu'un vieillard se présenta et dit à Marius « Monsieur, c'est ma place !» Marius s'écarta avec empressement et le vieillard reprit sa chaise. La messe finie, Marius était resté pensif à quelques pas. Le vieillard s'approcha de nouveau et lui dit « Je vous demande pardon, monsieur, de vous avoir dérangé tout à l'heure et de vous déranger encore en ce moment. Mais vous avez dû me trouver fâcheux. Il faut que je vous explique. » « Monsieur, dit Marius, c'est inutile. » « Si, reprit le vieillard, je ne veux pas que vous ayez mauvaise idée de moi. Voyez-vous, je tiens à cette place. Il me semble que la messe y est meilleure. Pourquoi ? Je vais vous le dire. C'est à cette place-là que j'ai vu venir pendant des années, tous les 2 ou 3 mois régulièrement, un pauvre brave père qui n'avait pas d'autre occasion et pas d'autre manière de voir son enfant, parce que, pour des arrangements de famille, on l'en empêchait. Il venait à l'heure où il savait qu'on menait son fils à la messe. Le petit ne se doutait pas que son père était là. Il ne savait même pas, peut-être, qu'il avait un père, l'innocent. Le père, lui, se tenait derrière ce pilier pour qu'on ne le vît pas. Il regardait son enfant. Et il pleurait. Il adorait ce petit, ce pauvre homme. J'ai vu cela. Cet endroit est devenu comme sanctifié pour moi, et j'ai pris l'habitude de venir y entendre la messe. Je le préfère au banc d'œuvre, où j'aurai droit d'être comme Marguillet. J'ai même un peu connu ce malheureux monsieur. Il avait un beau-père, une tante riche, des parents, je ne sais plus trop, qui menaçait de déshériter l'enfant, si lui, le père, il le voyait. Il s'était sacrifié pour que son fils fût riche un jour et heureux. On l'en séparait pour opinion politique. Certainement, j'approuve les opinions politiques, mais il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Mon Dieu, parce qu'un homme a été à Waterloo, ce n'est pas un monstre. On ne sépare point pour cela un père de son enfant. C'était un colonel de Bonaparte. Il est mort, je crois. Il demeurait à Vernon, où j'ai mon frère curé. Et il s'appelait quelque chose comme Pont-Marie ou Mont-Percy. Il avait, ma foi, un beau coup de sabre. « Pont-Mercy !» dit Marius en pâlissant. « Précisément, Pont-Mercy. Est-ce que vous l'avez connu ?»« Monsieur, dit Marius, c'était mon père. » Le vieux Marguillet joignit les mains et s'écria « Ah, vous êtes l'enfant ! Mais oui, c'est cela, ce doit être un homme à présent. » « Eh bien, pauvre enfant, vous pouvez dire que vous avez eu un père qui vous a bien aimé. » Marius offrit son bras au vieillard et le ramena jusqu'à son logis. Le lendemain, il dit à M. Gillenormand « Nous avons arrangé une partie de chasse avec quelques amis. Voulez-vous me permettre de m'absenter 3 jours ?»« 4 !» répondit le grand-père. « Va, amuse-toi !» Et clignant de l'œil, il dit bas à sa fille « Quelque amourette !» Chapitre 6. Ce que c'est que d'avoir rencontré un Marguillet. Ou à la Marius, on le verra un peu plus loin. Marius fut 3 jours absent, puis il revint à Paris, alla droit à la bibliothèque de l'école de droit et demanda la collection du Moniteur. Il lut le Moniteur. Il lut toutes les histoires de la République et de l'Empire, le mémorial de Sainte-Hélène, tous les mémoires, les journaux, les bulletins, les proclamations. Il dévora tout. La première fois qu'il rencontra le nom de son père dans les bulletins de la Grande Armée, il en eut la fièvre toute une semaine. Il alla voir les généraux sous lesquels Georges Pontmercy avait servi, entre autres le comte H, le marguillet Mabeuf, qu'il était allé revoir, lui avait donné la vie de Vernon, la retraite du colonel, ses fleurs, sa solitude. Marius arriva à connaître pleinement cet homme rare, sublime et doux, cette espèce de lion-agneau qui avait été son père.

il s'éloignait de son grand-père. Nous l'avons dit, dès longtemps, l'humeur de M. Gillenormand ne lui agréait point. Il y avait déjà entre eux toutes les dissonances de jeune homme grave à vieillard frivole. La gaieté de Géronte choque et exaspère la mélancolie de Werther. Tant que les mêmes opinions politiques et les mêmes idées leur avaient été communes, Marius s'était rencontré là avec M. Gillenormand, comme sur un pont. Quand ce pont tomba, l'abîme se fit. Et puis, par-dessus tout, Marius éprouvait des mouvements de révolte inexprimables, en songeant que c'était M. Gillenormand qui, pour des motifs stupides, l'avait arraché sans pitié au colonel, privant ainsi le père de l'enfant et l'enfant du père. À force de piété pour son père, Marius en était presque venu à l'aversion pour son aïeul. Rien de cela, du reste, nous l'avons dit, ne se trahissait au dehors. Seulement, il était froid, de plus en plus, laconique au repas et rare dans la maison. Quand sa tante l'en grondait, il était très doux et donnait pour prétexte ses études, les cours, les examens, des conférences, etc. Le grand-père ne sortait pas de son diagnostic infaillible. « Amoureux, je m'y connais !» Marius faisait de temps en temps quelques absences. « Où va-t-il donc comme cela ?» demandait la tante. Dans un de ses voyages, toujours très courts, il était allé à Montfermeil pour obéir à l'indication que son père lui avait laissée, et il avait cherché l'ancien sergent de Waterloo, l'aubergiste Thénardier. Thénardier avait fait faillite, l'auberge était fermée, et l'on ne savait ce qu'il était devenu. Pour ses recherches, Marius fut 4 jours hors de la maison. « Décidément, dit le grand-père, il se dérange. » On avait cru remarquer qu'il portait sur sa poitrine et sous sa chemise quelque chose qui était attaché à son cou par un ruban noir. Chapitre 7. Quelques cotillons. Nous avons parlé d'un lancier. C'était un arrière-petit-neveu que M. Gillenormand avait du côté paternel et qui menait, en dehors de la famille et loin de tous les foyers domestiques, la vie de garnison. Le lieutenant, Théodule Gillenormand, remplissait toutes les conditions voulues pour être ce qu'on appelle un joli officier. Il avait une taille de demoiselle, une façon de traîner le sabre victorieuse et la moustache en croc. Il venait fort rarement à Paris, si rarement que Marius ne l'avait jamais vu. Les deux cousins ne se connaissaient que de nom. Théodule était, nous croyons l'avoir dit, le favori de la tante Gillenormand, qui le préférait parce qu'elle ne le voyait pas. Ne pas voir les gens, cela permet de leur supposer toutes les perfections. Un matin, Mademoiselle Gillenormand aînée était rentrée chez elle aussi émue que sa placidité pouvait l'être. Marius venait encore de demander à son grand-père la permission de faire un petit voyage, ajoutant qu'il comptait partir le soir même. « Va !» avait répondu le grand-père. Et M. Gillenormand avait ajouté à part, en poussant ses 2 sourcils vers le haut de son front, « Il découche avec récidive. » Mademoiselle Gillenormand était remontée dans sa chambre très intriguée et avait jeté dans l'escalier ce point d'exclamation « C'est fort !» et ce point d'interrogation « Mais où donc est-ce qu'il va ?» Elle entrevoyait quelque aventure de cœur, plus ou moins illicite, une femme dans la pénombre, un rendez-vous, un mystère, et elle n'eût pas été fâchée d'y fourrer ses lunettes. La dégustation d'un mystère, cela ressemble à la primeur d'un esclandre. Les saintes âmes ne détestent point cela. Il y a dans les compartiments secrets de la bigoterie quelque curiosité pour le scandale. Elle était donc en proie au vague appétit de savoir une histoire. Pour se distraire de cette curiosité qui l'agitait un peu au-delà de ses habitudes, elle s'était réfugiée dans ses talents et elle s'était mise à festonner avec du coton sur du coton une de ces broderies de l'Empire et de la Restauration où il y a beaucoup de roues de cabriolet. Ouvrage maussade, ouvrière revêche. Elle était depuis plusieurs heures sur sa chaise quand la porte s'ouvrit. Mademoiselle Gillenormand leva le nez. Le lieutenant Théodule était devant elle et lui faisait le salut d'ordonnance. Elle poussa un cri de bonheur. On est vieille, on est prude, on est dévote, on est la tante. Mais c'est toujours agréable de voir entrer dans sa chambre un lancier. « Toi ici, Théodule ! » s'écria-t-elle. « En passant, ma tante. Mais embrasse-moi donc !»« Voilà, » dit Théodule. Et il l'embrassa. La tante Gillenormand alla à son secrétaire et l'ouvrit. « Tu nous restes au moins toute la semaine !»« Ma tante, je repars ce soir. »« Pas possible !»« Mathématiquement. »« Reste, mon petit Théodule, je t'en prie. » Le cœur dit oui, mais la consigne dit non. L'histoire est simple, on nous change de garnison. Nous étions à Melun, on nous met à Gaillon. Pour aller de l'ancienne garnison à la nouvelle, il faut passer par Paris. J'ai dit, je vais aller voir ma tante. Et voici pour ta peine. Elle lui mit 10 louis dans la main. Vous voulez dire pour mon plaisir, chère tante. Théodule l'embrassa une seconde fois. Et elle eut la joie d'avoir le cou un peu écorché par les sous-taches de l'uniforme. « Est-ce que tu fais le voyage à cheval avec ton régiment ?» lui demanda-t-elle. « Non, ma tante, j'ai tenu à vous voir, j'ai une permission spéciale. Mon brosseur mène mon cheval, je vais par la diligence. Et à ce propos, il faut que je vous demande une chose. Quoi ? « Mon cousin Marius, bon merci, voyage donc aussi, lui ?»« Comment sais-tu cela ?» fit la tante, subitement chatouillée au vif de la curiosité. « En arrivant, je suis allée à la diligence retenir ma place dans le coupé. »« Eh bien ?» Un voyageur était déjà venu retenir une place sur l'impériale. J'ai vu sur la feuille son nom. « Quel nom ?»« Marius Pontmercy. » « Le mauvais sujet !» s'écria la tante. « Ah, ton cousin n'est pas un garçon rangé comme toi. Dire qu'il va passer la nuit en diligence !»« Comme moi ?»« Mais toi, c'est par devoir. Lui, c'est par désordre. »« Bigre !» fit Théodule. Ici, il arriva un événement à Mademoiselle Gillenormand aînée. Elle eut une idée. Si elle eût été homme, elle se fût frappée le front. Elle apostropha Théodule. Sais-tu que ton cousin ne te connaît pas ? Non, je l'ai vu, moi, mais il n'a jamais daigné me remarquer. Vous allez donc voyager ensemble comme cela ? Lui sur l'impérial, moi dans le coupé. Où va cette diligence ? Aux Andelys. C'est donc là que va Marius ? À moins que, comme moi, il ne s'arrête en route. Moi, je descends à Vernon pour prendre la correspondance de Gaillon. Je ne sais rien de l'itinéraire de Marius. Marius, quel vilain nom ! Quelle idée a-t-on eue de l'appeler Marius ? Tandis que toi, au moins, tu t'appelles Théodule. J'aimerais mieux m'appeler Alfred, dit l'officier. Écoute, Théodule. J'écoute, ma tante. Fais attention. Je fais attention. Y es-tu ? Oui. Eh bien, Marius fait des absences. Hé hé ! Il voyage. Ah ah ! Il découche. Oh oh ! Nous voudrions savoir ce qu'il y a là-dessous. Théodule répondit avec le calme d'un homme bronzé. Quelques cotillons ! Et avec ce rire entre cuir et chair qui décèle la certitude, il ajouta « Une fillette !»« C'est évident !» s'écria la tante, qui crut entendre parler M. Gillenormand, et qui sentit sa conviction sortir irrésistiblement de ce mot « fillette », accentué presque de la même façon par le grand-oncle et par le petit-neveu. Elle reprit « Fais-nous un plaisir. Suis un peu Marius. » « Il ne te connaît pas, cela te sera facile. Puisque fillette il y a, Tâche de voir, la fillette. Tu nous écriras l'historiette. Cela amusera le grand-père. Théodule n'avait point un goût excessif pour ce genre de guet, mais il était fort touché des 10 louis, et il croyait leur voir une suite possible. Il accepta la commission et dit « Comme il vous plaira, ma tante !» Et il ajouta par lui « Me voilà duègne !» Mademoiselle Gillenormand l'embrassa. « Ce n'est pas toi, Théodule, qui ferais de ces frasques-là. Tu obéis à la discipline. Tu es l'esclave de la consigne. Tu es un homme de scrupule et de devoir. Et tu ne quitterais pas ta famille pour aller voir une créature. » Le lancier fit la grimace satisfaite de Cartouche loué pour sa probité. Marius, le soir qui suivit ce dialogue, monta en diligence sans se douter qu'il eût un surveillant. Quant au surveillant, la première chose qu'il fit, ce fut de s'endormir. Le sommeil fut complet et consciencieux. Argus ronfla toute la nuit. Au point du jour, le conducteur de la diligence cria « Vernon, relais de Vernon, les voyageurs pour Vernon !» Et le lieutenant Théodule se réveilla. « Bon, grommela-t-il, à demi endormi encore, c'est ici que je descends. » Puis, sa mémoire se nettoyant par degrés, effet du réveil, il songea à sa tante, aux 10 louis, et au compte qu'il s'était chargé de rendre des faits et gestes de Marius. Cela le fit rire. « Il n'est peut-être plus dans la voiture, » pensa-t-il, tout en reboutonnant sa veste de petit uniforme. « Il a pu s'arrêter à Poissy, il a pu s'arrêter à Triel. S'il n'est pas descendu à Melun, il a pu descendre à Mantes, à moins qu'il ne soit descendu à Rolboise, ou qu'il n'ait poussé jusqu'à Passy, avec le choix de tourner à gauche sur Évreux, ou à droite sur la Roche-Guillon. « Cours après, ma tante !» Que diable vais-je lui écrire à la bonne vieille ? En ce moment, un pantalon noir qui descendait de l'impériale apparut à la vitre du coupé. « Serait-ce Marius ? » dit le lieutenant. C'était Marius. Une petite paysanne, au bas de la voiture, mêlée aux chevaux et aux postillons, offrait des fleurs aux voyageurs. « Fleurissez vos dames ! » criait-elle. Marius s'approcha d'elle et lui acheta les plus belles fleurs de son inventaire. « Pour le coup, » dit Théodule, sautant à bas du coupé, « voilà qui me pique. À qui diantre va-t-il porter ces fleurs-là ? Il faut une fièrement jolie femme pour un si beau bouquet. Je veux la voir. » Et, non plus par mandat maintenant, mais par curiosité personnelle, comme ces chiens qui chassent pour leur compte, il se mit à suivre Marius. Marius ne faisait nulle attention à Théodule. Des femmes élégantes descendaient de la diligence, il ne les regarda pas. Il semblait ne rien voir autour de lui. « Est-il amoureux ? » pensa Théodule. Marius se dirigea vers l'église. « À merveille !» se dit Théodule. « L'église, c'est cela ! Les rendez-vous assaisonnés d'un peu de messe sont les meilleurs. » Rien n'est exquis comme une œillade qui passe par-dessus le bon Dieu. Parvenu à l'église, Marius n'y entra point et tourna derrière le chevet. Il disparut à l'angle d'un des contreforts de l'abside. « Le rendez-vous est dehors, » dit Théodule. « Voyons la fillette. » Et il s'avança sur la pointe de ses bottes vers l'angle où Marius avait tourné. Arrivé là, il s'arrêta stupéfait. Marius, le front dans ses deux mains, était agenouillé dans l'herbe, sur une fosse. Il y avait effeuillé son bouquet. À l'extrémité de la fosse, à un renflement qui marquait la tête, il y avait une croix de bois noir avec ce nom en lettres blanches, « Colonel Baron Pontmercy ». On entendait Marius sangloter. La fillette était une tombe. Chapitre 8. Marbre contre granit. C'était là que Marius était venu la première fois qu'il s'était absenté de Paris. C'était là qu'il revenait chaque fois que M. Gillenormand disait « Il découche !» le lieutenant Théodule fut absolument décontenancé par ce coudoiement inattendu d'un sépulcre. Il éprouva une sensation désagréable et singulière qu'il était incapable d'analyser et qui se composait du respect d'un tombeau mêlé au respect d'un colonel. Il recula, laissant Marius seul dans le cimetière, et il y eut de la discipline dans cette reculade. La mort lui apparut avec de grosses épaulettes, et il lui fit presque le salut militaire. Ne sachant qu'écrire à l'attente, il prit le parti de ne rien écrire du tout. Et il ne serait probablement rien résulté de la découverte faite par Théodule sur les amours de Marius, si, par un de ces arrangements mystérieux si fréquents dans le hasard, la scène de Vernon n'eût eu presque immédiatement une sorte de contre-coup à Paris. Marius revint de Vernon le troisième jour de grand matin, descendit chez son grand-père et, fatigué de deux nuits passées en diligence, sentant le besoin de réparer son insomnie par une heure d'école de natation, monta rapidement à sa chambre, ne prit que le temps de quitter sa redingote de voyage et le cordon noir qu'il avait au cou, et s'en alla au bain. Monsieur Gillenormand, levé de bonne heure, comme tous les vieillards qui se portent bien, l'avait entendu rentrer, et s'était hâté d'escalader le plus vite qu'il avait pu avec ses vieilles jambes l'escalier des combles où habitait Marius, afin de l'embrasser et de le questionner dans l'embrassade et de savoir un peu d'où il venait. Mais l'adolescent avait mis moins de temps à descendre que l'octogénaire à monter, et quand le père Gillenormand entra dans la mansarde, Marius n'y était plus. Le lit n'était pas défait, et sur le lit s'étalaient sans défiance la redingote et le cordon noir. « J'aime mieux ça, » dit M. Gillenormand. Et un moment après, il fit son entrée dans le salon, où était déjà assise Mademoiselle Gillenormand aînée, brodant ses roues de cabriolet. L'entrée fut triomphante. M. Gillenormand tenait d'une main la redingote et de l'autre le ruban de cou, et criait « Victoire ! Nous allons pénétrer le mystère ! Nous allons savoir le fin du fin ! Nous allons palper les libertinages de notre sournois. Nous voici à même le roman. J'ai le portrait. » En effet, une boîte de chagrin noir, assez semblable à un médaillon, était suspendue au cordon. Le vieillard prit cette boîte et la considéra quelque temps sans l'ouvrir, avec cet air de volupté, de ravissement et de colère d'un pauvre diable affamé, regardant passer sous son nez un admirable dîner qui ne serait pas pour lui. Car c'est évidemment là un portrait, je m'y connais. Cela se porte tendrement sur le cœur. Sont-ils bêtes? Quelque abominable goton qui fait frémir probablement. Les jeunes gens ont si mauvais goût aujourd'hui. Voyons, mon père, dit la vieille fille. La boîte s'ouvrait en pressant un ressort. Ils n'y trouvèrent rien qu'un papier soigneusement plié. « De la même au même, » dit M. Gillenormand éclatant de rire. « Je sais ce que c'est, un billet doux. »« Ah, lisons donc, » dit la tante. Et elle mit ses lunettes. Ils déplièrent le papier et lurent ceci. « Pour mon fils, l'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo. » Puisque la Restauration me conteste ce titre, que j'ai payé de mon sang, mon fils le prendra et le portera. Il va sans dire qu'il en sera digne. » Ce que le père et la fille éprouvèrent ne saurait se dire. Ils se sentirent glacés comme par le souffle d'une tête de mort. Ils n'échangèrent pas un mot. Seulement M. Gillenormand dit à voix basse, et comme se parlant à lui-même, « C'est l'écriture de ce sabreur. » La tante examina le papier, le retourna dans tous les sens, puis le remit dans la boîte. Au même moment, un petit paquet carré, long, enveloppé de papier bleu, tomba d'une poche de la redingote. Mademoiselle Gillenormand le ramassa et développa le papier bleu. C'était le sang de carte de Marius. Elle en passa une à M. Gillenormand qui lut « Le baron Marius Pontmercy ». Le vieillard sonna. Nicolette vint. M. Gillenormand prit le cordon, la boîte et la redingote, jeta le tout à terre au milieu du salon et dit « Remportez ces nippes ». Une grande heure se passa dans le plus profond silence. Le vieux homme et la vieille fille s'étaient assis, se tournant le dos l'un à l'autre, et pensaient, chacun de leur côté, probablement les mêmes choses. Au bout de cette heure, la tante Gillenormand dit « Jolie !» Quelques instants après, Marius parut. Il rentrait. Avant même d'avoir franchi le seuil du salon, il aperçut son grand-père qui tenait à la main une de ses cartes et qui, en le voyant, s'écria avec son air de supériorité bourgeoise et ricanante qui était quelque chose d'écrasant. « Tiens, tiens, tiens, tiens, tu es baron à présent? Je te fais mon compliment. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Marius rougit légèrement et répondit « Cela veut dire que je suis le fils de mon père. » Monsieur Gillenormand cessa de rire et dit durement « Ton père, c'est moi. » « Mon père, reprit Marius les yeux baissés et l'air sévère, c'était un homme humble et héroïque qui a glorieusement servi la République et la France, qui a été grand dans la plus grande histoire que les hommes aient jamais faite, qui a vécu un quart de siècle au bivouac, le jour sous la mitraille et sous les balles, la nuit dans la neige, dans la boue, sous la pluie, qui a pris 2 drapeaux, qui a reçu 20 blessures, qui est mort dans l'oubli et dans l'abandon, et qui n'a jamais eu qu'un tort, c'est de trop aimer 2 ingrats, son pays et moi. » C'était plus que M. Gillenormand n'en pouvait entendre. À ce mot, la République, il s'était levé, ou pour mieux dire, dressé debout. Chacune des paroles que Marius venait de prononcer avait fait sur le visage du vieux royaliste l'effet des bouffées d'un soufflet de forge sur un tison ardent. De sombre, il était devenu rouge, de rouge pourpre et de pourpre flamboyant. « Marius ! » s'écria-t-il. « Abominable enfant ! Je ne sais pas ce qu'était ton père, je ne veux pas le savoir, je n'en sais rien et je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a jamais eu que des misérables parmi tous ces gens-là. C'est que c'étaient tous des gueux, des assassins, des bonnets rouges, des voleurs. Je dis tout, je dis tout. Je ne connais personne. Je dis tout. Entends-tu, Marius ? Vois-tu bien ? Tu es baron comme ma pantoufle. C'étaient tous des bandits qui ont servi Robespierre. Tous des brigands qui ont servi Buonaparte. Tous des traîtres qui ont trahi, trahi, trahi leur roi légitime. Tous des lâches qui se sont sauvés devant les Prussiens et les Anglais à Waterloo. Voilà ce que je sais. Si monsieur votre père est là-dessous, je l'ignore. J'en suis fâché. Tant pis, votre serviteur. » À son retour, c'était Marius qui était le tison et monsieur Gillenormand qui était le soufflet. Marius frissonnait dans tous ses membres. Il ne savait que devenir. Sa tête flambait. Il était le prêtre qui regarde jeter au vent toutes ses hosties. Le fakir qui voit un passant cracher sur son idole. Il ne se pouvait que de telles choses eussent été dites impunément devant lui. Mais que faire ? Son père venait d'être foulé aux pieds et trépigné en sa présence. Mais par qui ? Par son grand-père. Comment venger l'un sans outrager l'autre ? Il était impossible qu'il insultât son grand-père, mais il était également impossible qu'il ne vengeât point son père. D'un côté une tombe sacrée, de l'autre des cheveux blancs. Il fut quelques instants ivre et chancelant, ayant tout ce tourbillon dans la tête. Puis il leva les yeux, regarda fixement son aïeul et cria d'une voix tonnante « À bas les Bourbons et ce gros cochon de Louis XVIII !» Louis XVIII était mort depuis 4 ans, mais cela lui était bien égal. Le vieillard, d'écarlate qu'il était, devint subitement plus blanc que ses cheveux. Il se tourna vers un buste de M. le duc de Berry qui était sur la cheminée et le salua profondément avec une sorte de majesté singulière. Puis il alla deux fois, lentement et en silence, de la cheminée à la fenêtre et de la fenêtre à la cheminée, traversant toute la salle et faisant craquer le parquet comme une figure de pierre qui marche. À la seconde fois, il se pencha vers sa fille, qui assistait à ce choc avec la stupeur d'une vieille brebis, et lui dit en souriant d'un sourire presque calme « Un baron comme monsieur et un bourgeois comme moi ne peuvent rester sous le même toit. » Et tout à coup, se redressant, blême, tremblant, terrible, le front agrandi par l'effrayant rayonnement de la colère, il étendit le bras vers Marius et lui cria « Va-t'en !» Marius quitta la maison. Le lendemain, M. Gillenormand dit à sa fille « Vous enverrez tous les 6 mois 60 pistoles à ce buveur de sang, et vous ne m'en parlerez jamais. » Ayant un immense reste de fureur à dépenser et ne sachant qu'en faire, il continua de dire « vous » à sa fille pendant plus de 3 mois. Marius, de son côté, était sorti indigné. Une circonstance, qu'il faut dire, avait aggravé encore son exaspération. Il y a toujours de ces petites fatalités qui compliquent les drames domestiques. Les griefs s'en augmentent, quoiqu'au fond les torts n'en soient pas accrus. En reportant précipitamment, sur l'ordre du grand-père, les nippes de Marius dans sa chambre, Nicolette avait, sans s'en apercevoir, laissé tomber, probablement dans l'escalier des combles, qui était obscur, le médaillon de chagrin noir où était le papier écrit par le colonel. Ce papier ni ce médaillon ne purent être retrouvés. Marius fut convaincu que M. Gillenormand, à dater de ce jour il ne l'appela plus autrement, avait jeté le testament de son père au feu. Il savait par cœur les quelques lignes écrites par le colonel, et par conséquent rien n'était perdu. Mais le papier, l'écriture, cette relique sacrée, tout cela était son cœur même. Qu'en avait-on fait? Marius s'en était allé, sans dire où il allait et sans savoir où il allait, avec 30 francs, sa montre, et quelques hardes dans un sac de nuit. Il était monté dans un cabriolet de place, l'avait pris à l'heure et s'était dirigé à tout hasard vers le Pays Latin. Qu'allait devenir Marius ?